Bonjour à tous et bienvenue pour le podcast hebdomadaire de la cellule aujourd'hui sur Sens. Aujourd'hui, on a la chance d'être à Lyon. Alors, on en profite pour faire parler un petit peu les joueurs qu'on n'a pas l'habitude d'entendre sur le podcast de la cellule, les joueurs de Lyon, les joueurs du sud de la France. Adrien, t'es avec nous. Cette fois-ci, c'est pas toi qui viens vers Saint-Malo. Pour une fois, c'est voilà, tu viens. Enfin, c'est moi qui viens à toi. Nous sommes également avec, j'ai déjà oublié son nom, Aloïs. Ah oui, alors Aloïs n'est pas le Aloïs que vous avez l'habitude d'entendre sur le podcast, c'est un autre Aloïs. Aloïs, bonjour. Bonjour. Nous sommes avec Laure. Bonjour. Qui est, donc vous êtes tous les deux joueurs d'Adrien. Et puis Prez qui est avec nous également. Toi aussi, tu es un joueur d'Adrien. Bah oui, exactement. D'accord, ok. Mais pas sur la même table. Voilà, c'est ça, c'est bien ce qui me semblait. Vous n'êtes pas de la même table. C'est ça. Donc Laure et Aloïs, vous êtes arrivés jusqu'à l'épreuve de buveur dans Sens Mort, c'est bien ça? Ouais, c'est à peu près à moitié de mort. Et Prez, toi, tu es dans le Saint des Saints. C'est vrai qu'on l'appelle Mister Prez. C'est Mister Prez. Mister Prez, excuse-moi. D'accord. Mister Prez, tu es dans le, presque dans le Saint des Saints, non? Tu fais partie de la table très avancée. Qui... Exactement, ouais. Voilà, c'est ça. Bon. Et puis, nous sommes également avec Volion. Volion, ça me fait Bonjour. Super plaisir de t'avoir avec nous sur ce podcast également. Bah, ça me fait, ça fait longtemps aussi. Qu'on... Pas les autres, hein, c'est important de le noter. Ouais. Également, j'ai dit, hein, les auditeurs auront entendu que tu t'es planté lamentablement. Donc, j'ai dit également. Donc, Volion, parce que ça fait longtemps... Tu participes sur Casus, sur Silent Drift à des critiques, à des comptes rendus de parties de Sens. Ça fait vraiment très longtemps que je te dois une intervention dans le podcast. Ça avait déjà été fait il y a un moment sur Sens est-il un jeu dangereux. Ah là, exactement, tu étais intervenu via téléphone oui. À l'époque. Et là maintenant, te voilà en vrai, en voilà, chair enfin, et en os. Je me lève plus la main pendant un an. Voilà. Et aujourd'hui, je vais commencer par vous. C'est ce que tu avais dit déjà. Tu avais déjà commencé à faire ton fanboy la dernière fois. Je vais déjà commencer par vous poser un certain nombre de questions parce que vous avez une particularité en fait autour de cette table. C'est que vous êtes des joueurs que je n'ai jamais rencontrés. Parce que la plupart des joueurs qu'on connaît en Bretagne sont avant tout des joueurs que j'ai, entre guillemets, initiés. C'est-à-dire que j'ai mis à mon propre jeu en les rencontrant dans des conventions, ce genre de choses, ou à qui j'ai vendu le livre directement. Là, c'est pas votre cas. Donc ça m'intéresse vraiment énormément d'avoir vos retours. La première question que j'ai envie de vous poser, c'est une question qui vient régulièrement dans les critiques qu'on fait du jeu, c'est comment est-ce que vous avez vécu les premiers instants avec Sens, à savoir la lecture de l'univers et la création de vos premiers personnages? Est-ce qu'il y a eu des difficultés qui se sont présentées? Est-ce que l'univers vous a séduit tout de suite? Est-ce que vous êtes ennuyé? Mister Prez. Alors moi, ça commence à remonter un peu. Mais la découverte de l'univers est très intéressante. Le début, enfin tout ce qui est découverte, etc. Alors nous, ce qu'on avait joué sur sa table, c'est le premier scénario était quelque chose d'assez simple, vraiment découverte de l'univers, etc. Vous avez commencé par quel scénario? C'est quelque chose. Akina. Le scénario Akina. Ouais. Non, ça va être plutôt le poète, je pense, au début. Oui, d'abord le poète. D'accord. Ouais, mais. Enfin bon, je sais pas si on n'avait pas fait le poète et Akina dans la même session, quelque chose comme ça. C'est possible, oui. Voilà, et dès le, je dirais, deuxième ou troisième scénario, on commence déjà, c'était le scénario qui était au Pôle Nord. Oui, où, c'est ça, ouais. Où là, on commence directement à avoir de grandes révélations sur l'histoire qui avance à grands pas. Et là, l'univers se découvre petit à petit. On commence à bien le connaître, mais disons qu'on l'intègre de plus en plus, quoi. D'accord. Et cette première confrontation avec l'univers par le biais d'un texte à lire, comment est-ce que tu l'as fait jouer, Adrien, toi? Là, bah, je l'ai lu. Tu l'as lu? Vraiment, ouais. Et ça, et ah oui, il y a un grand texte. Il y a un grand texte très long, avec tout le BG, avec une voix de machine qui dit initialisation du programme Renaissance, etc. Ah oui, etc. C'est ça. J'avais rien compris, je crois, et j'avais demandé aux autres joueurs de m'expliquer. C'est, voilà, c'est souvent la première impression qu'on a de Sens, c'est souvent ça. Et la plupart des retours que j'ai, c'est « Oula, ça fait un effet bœuf ». Alors j'ai soit c'est chiant, soit des gens qui sont complètement captivés. Ça m'est arrivé aussi d'avoir des gens qui étaient là et complètement captivés. Moi personnellement, quand on me lit un texte, ça me fait chier. Alors moi je sais, Aloïs, que je suis du genre à bien aimer écouter les textes. Ouais. Donc J'ai tendance aussi à, dans tous les jeux de rôle, à lire au moins l'introduction de l'univers, les choses comme ça. Ouais. Ce qui fait que le fait d'entendre lire le texte, ça m'a absolument pas dérangé. Ouais. Et j'ai plutôt apprécié et ça rentre bien dans le sujet. Enfin, personnellement, je trouve que ça rentre vraiment bien dans le sujet. D'accord, ok. Parce que c'est justement pour ça qu'on avait mis en ligne avec Valérie la vidéo La guerre des immortels, épisode 1, parce qu'il y a un épisode 2 qui sortira, qui raconte, où il y a un narrateur qui raconte l'histoire. Et on a choisi la voix de Benoît Hallemann, donc qui est le doubleur de Kane dans Legacy of Kane, le doubleur également de beaucoup de personnages en fait de jeux vidéo, mais également de Morgan Freeman, au cinéma. Donc c'était un bon narrateur et donc on l'a pris aussi pour ça. Laure, toi, est-ce que tu te souviens de tes premières impressions? Oui, je me souviens bien d'Adrien en train de lire le texte. Ouais. J'ai bien aimé le texte dans la mesure où c'est vrai qu'on rentre bien dans le truc, etc. Initialisation, etc. C'est vrai que ça fait vraiment rentrer dans l'univers, démarche. Quoi. Ouais. Mais après, c'est vrai que le concept de lire un texte comme ça, au bout d'un moment, je comprenais plus rien de ce qu'il racontait, et j'arrivais plus à raccrocher les wagons. Mais Oui, effectivement, dans l'introduction, il y a beaucoup de noms qui sont prononcés, il y a beaucoup d'événements. Ouais. Du coup, c'est pas toujours facile de tout intégrer. En général, j'essaye de dire aux gens prenez des notes. Le problème, c'est que il y a trois noms qui arrivent d'affilée. Les noms, ils ont deux prénoms, un nom de famille plus abracadabrant les uns que les autres. Donc, c'est pas toujours évident de. Puis au bout d'un moment, on comprend plus rien aussi. Ouais. Enfin, il se passe trop de trucs. Dit mais lui, il était. Enfin voilà. Ouais. Au fond, et au bout d'un moment, attention à ton micro. On retient bien. Enfin, on comprend bien l'esprit général, mais je sais que tous les détails de. Mais à quel moment, à cet endroit-là, il s'est passé quoi et c'est qui est arrivé à tel endroit. Ça, j'avais dû qu'on me le réexplique. J'avais essayé de. Moi, quand j'étais en convention, j'avais essayé de faire sur un tableau de faire les personnages, de présenter les deux planètes en fait à chaque fois, la Terre et l'Empire. Et ça fonctionne assez bien en général. On voit et je dessinais les flèches quand les personnages voyageaient ou allaient ou partaient en exil. Bon, voilà, c'est des techniques pour éviter que ce début soit chiant, parce que moi-même, en tant qu'auteur, je reconnais que c'est pas une bonne manière d'introduire le jeu, je pense. T'avais pas fait à un moment donné, toi, Adrien, des photocopies des textes? Ouais, alors c'est un truc que j'ai fait. Alors c'était pourquoi? Je crois que c'est pour certaines parties où j'ai fait je vous imprime le texte, lisez-le. Ouais, comme ça, vous pouvez souligner vous les mots ça va être plus facile à retenir, ça va être un peu plus long, mais ça va être plus facile pour la suite. Okay. Et je pense que là, je vais faire jouer une campagne en version marathon et eux, je vais leur envoyer directement le texte d'intro par mail. Par mail, ouais. Comme ça, ils le lisent à l'avance et. D'accord. Voilà. Volion, comment est-ce que ça s'est passé pour toi sur tes tables? Alors toi, tu as fait plein de tables d'introduction, c'est ça? C'est ton malheur, c'est que tu as eu plein de débuts de campagne, tu n'as jamais pu finir en fait. C'est exactement ça. Donc j'ai commencé 4 campagnes, plus 2 one-shots de présentation à côté. Ouais. À chaque fois, la technique que j'ai utilisée, c'était la même. Donc j'ai. Désolé, j'ai une voix assez faible. Non, c'est bien, non, très bien. J'avais enregistré à l'avance tout le texte informatique. Ouais. De la machine, donc initialisation du programme, etc. D'accord. Je l'avais passé ensuite à mes joueurs. Donc j'avais essayé de prendre une voix mécanique, je l'avais mis sur le forum, c'était pas très bien réussi. Mais, non, mais c'est pas grave, c'est toujours un outil. De la part du pôle jeu de rôle, les remises de l'eau de la journée ne se passeront pas sur l'accueil jeu de rôle, mais dans l'angle au fond de la zone jeu de rôle, au niveau de la table numéro 40. Je répète, la remise des lots jeux de rôle va se passer dans l'angle au fond de la zone jeu de rôle au niveau de la table 40. A tout de suite. Ah ouais, donc on va enregistrer un podcast juste à côté de la remise des prix. Putain, merde. Ouais. Donc, qu'est-ce que tu disais? Donc, du coup, j'avais enregistré le texte de la machine que j'avais passé ensuite sur mon ordinateur. Ouais. Donc, avec tout le côté théâtral du « je dois lancer le programme Renaissance », etc. Et au milieu, au moment de lire normalement le texte, j'avais simplement fait une version un peu plus résumée, donc qui durait peut-être 10 minutes au lieu de 25. Ouais. Et alors ça, c'était à peu près bien passé. Ça, je vais balancer un scoop. En fait, après la guerre des Immortels 2, on sortira une série de fanfiction en fait de Sens, des gens qui ont doublé les livres de Sens et qui ont joué en fait les personnages de Sens, tous les passages et tous les dialogues. Pourquoi ? Parce qu'il y a une table en fait, celle de Shadow. Sur laquelle lui, il a lu, en fait, enfin, plutôt que de lire, il a demandé à des copains à lui de jouer les scènes. Et du coup, ils ont enregistré des trucs et donc ils seront peut-être un jour accessibles sur le net. Mais on attend que la Guerre des Immortels 2 soit sortie, parce que la Guerre des Immortels 2 est liée à cette démarche. D'accord, et c'est vrai que ça peut être très intéressant être pour un MJ c'est ça. D'utiliser. Et il y a notamment le programme d'intro. Alors, non, il y a notamment le programme d'intro qui sera disponible. L'autre, ce sera probablement pas disponible parce qu'il veut les retravailler et tout. Et il se trouve que ces acteurs sont partis à droite à gauche, donc il y a peu de chances pour que ce soit disponible, Adrien. Okay. Mais par contre, le programme informatique, lui, il est très très bien. Pour lui, il est satisfaisant et donc il acceptera, je pense, de le diffuser. Mais c'est encore sous réserve. Hein, ouais, c'est non, d'accord. C'est un scoop, je parle c'est de juste son projet. Mais les dialogues qui sont dans les bouquins ne sont pas joués texto. Parce que du coup, ça exclut complètement les joueurs de l'action, donc c'est pour ça que je trouve ça. Oui. C'est. Mais bon, voilà, ça peut être un outil aussi. Bon, pourquoi pas. Bon, je sais pas. J'ai tellement de questions à vous poser, je sais même pas par où commencer. Je vais vous poser des questions, je sais pas, peut-être sur l'univers par le biais de certains personnages. Est-ce que vous avez eu, parce que toutes les tables ont des problèmes avec le personnage de Solipsis? Est-ce que vous, à vos tables, vous avez eu des problèmes avec les personnages de Solipsis? Et oui, lesquels? Ou alors pas du tout, Mister Press? Moi, personnellement, pas énormément. Parce qu'il y en a qui disent que c'est le vilain commanditaire d'une mission qui va nous trahir à la fin et donc on ne lui fait pas confiance. Et il y a une espèce de réserve vis-à-vis du personnage de Solipsis, alors que moi, je peux vous le dire, il est pur, absolu. C'est super plus résistant. Ou moins ce que j'en avais déduit aussi, mais c'est vrai que... Mister Press. Il y avait un certain nombre de personnes sur notre table qui ne l'appréciaient pas énormément. Et pas forcément parce que c'était un traître ou qu'ils le soupçonnaient d'en être un. Parce que tout simplement, il y a certains comportements qu'il avait qui n'étaient pas... qu'ils adhéraient pas à son comportement ou à certains choix qu'il avait fait. Ouais, d'accord, ok. Ok. Donc c'était plus par rapport à ce qu'il faisait que par rapport à ce qu'il représentait. Je pense que c'est lié à la phrase, Adrien. Il y a des choses qu'il vaut mieux ignorer. Oui, ouais. Voilà. D'accord. Vous, à votre table, Aloïs? Sur nous, ça dépendait des joueurs en fait. Moi, mon joueur, le personnage que je jouais, n'avait pas trop de... Enfin, avait des affinités avec lui, donc du coup, ça se passait plutôt bien. Ouais. Il acceptait que des gens aient ses secrets. Par contre, il n'a pas vu partir de trahison, des choses comme ça, quoi. Donc, c'est pas. Ouais. C'est ce genre de personnage, quoi. Après, d'autres personnages étaient plus méfiants vis-à-vis de lui et ont très mal pris le fait de certains secrets qui ont été révélés. Alors, pour la défense, c'est quand même ce joueur-là joue un personnage qui est complètement, qui est limite paranoïaque, perpétuel, qui a un comportement social très bizarre. Et du coup, en soi, c'est pas à cause du personnage de Solipsis. Ça aurait été n'importe qui d'autre. D'accord. Laure, comment est-ce que t'as appréhendé ce personnage de Solipsis? Moi, je le connaissais. Enfin, je connaissais pas beaucoup. J'avais pas mis spécialement des liens avec Solipsis, donc j'avais pas particulièrement de problème avec lui. Je faisais pas plus confiance que ça non plus, parce que comme je te dis, j'avais pas de lien. Mais je me suis pas dit mince, il va nous trahir ou quoi. Ouais, d'accord. Donc il y a pas eu de relation conflictuel avec le personnage de Solipsis? Non, pas trop. C'était plus... en fait, il y a eu peu de relations à la limite. Ouais. C'est plus ça qui s'est passé. Il y avait plus des questions du genre, est-ce que... Oui, mais non, en fait, non, on va le laisser de côté. Et... Ouais, d'accord. Ok. Le personnage de Wilfried, est-ce qu'il a posé problème ou est-ce que... Aloïs ou Laure? Alors, Wilfried... on a eu du mal à le gérer, en fait. Enfin, je pense qu'on a eu... la première fois qu'on l'a rencontré, c'était dans un contexte assez particulier quand même. Et après, il en a fait un peu à sa tête. Et du coup, ça nous a pas forcément plu parce que on avait d'autres plans à côté qui correspondaient pas forcément à ses objectifs à lui. D'accord, ok. C'est la frustration dont tu m'avais parlé une fois, Adrien, comme quoi il y avait des joueurs qui avaient été frustrés parce que au niveau de la scène avec Wilfried. Ils n'avaient pas de choix. Alors ça, c'est dans Mort, ouais. Ouais, voilà. C'est dans Mort, le moment où Wilfried décide fait quelque chose de spoiler. Ouais, d'accord. Mais peut-être l'auditeur, je sais pas. Ah oui, d'accord. Ok. Ouais. Et à ce moment-là, le livre dit ça doit se passer comme ça. Ouais. Bon, il s'avère qu'en fait j'aurais pu avoir le choix, je savais pas sur le coup, et donc du coup les joueurs ont eu la frustration d'avoir l'imp. Ils faisaient vraiment beaucoup de choses dans le bon sens, mais il y avait le mur du ça va se passer comme ça. Du déterminisme en fait. Et donc ça c'était pas très très bien placé, ouais. Alors, d'accord. Ça, moi j'ai noté que ça arrivait à certains moments, enfin dans le livre, enfin dans la campagne, ça arrive à plein de moments. Le déterminer, le côté. On se bat pour des choses et vraiment on y met tout notre cœur et. Il y a le mur du MJ et on voit clairement que c'est pas un mur franchissable. C'est en plus pas un mur, c'est un mur du MJ qui est là pour des facilités scénaristiques et pas pour des raisons, des vraies raisons scénaristiques. D'accord. Donc, alors, qu'est-ce que tu entends par facilité scénaristique ? C'est-à-dire que. C'est-à-dire qu'il y a certaines choses, vous ne pouvez pas les faire. Voilà, c'est comme ça. Voilà, c'est, voilà, c'est si ça. Vous le faites, la campagne est par terre. Voilà. Et du coup, alors qu'il n'y a pas de raison pour qu'on les fasse pas. D'accord, ok. C'est un sentiment que j'ai repéré. C'est un sentiment qu'on retrouve beaucoup dans toutes les campagnes. Ouais, dans les longues campagnes en général. Ouais. Dans les longues, enfin, ouais, même dans les courtes en fait. Toutes celles qui ont été préécrites. Je te voyais opiner du chef lorsqu'il disait qu'il y avait du déterminisme et des choses qu'on ne pouvait pas changer. Toi aussi, ça t'a frustré, j'ai l'impression. La scène dont il parlait dans Mort, en fait, c'est un scénario où j'étais pas là, je crois. Et par contre, oui, je repensais à la fin de Renaissance. Où c'était peut-être pas forcément du déterminisme, mais on avait quand même des grandes balises pour faire ce qu'on a fait. Ouais. Et voilà, donc c'est un peu. C'était un peu. En gros, ils se sont rendus compte un peu tard qu'ils avaient un choix. Et ils se sont rendus compte au tout dernier moment. Du coup, j'ai fait, bon bah tant pis. Hein, D'accord. Volions, même si ça a peut-être. Tes campagnes n'ont peut-être pas été assez loin, si pour ressentir ce genre de sentiment. Pas forcément. Alors, au niveau de Solipsis, je reviens brièvement. Ouais. Mes joueurs dans l'ensemble. Je t'ai pas posé la question, excuse-moi. C'est pas grave. Dans l'ensemble, mes joueurs ont vraiment beaucoup aimé Solipsis. Il n'y a pas eu une table sans un joueur secrètement amoureux de Solipsis. Mais ça, je pense que c'est la façon de le faire jouer. Ouais. Et ça, je sais que Solipsis, c'est un personnage, j'ai du mal à le faire jouer. Enfin, c'est ça. Voilà. C'est un personnage qui est vraiment pas simple. Moi, ça va, je l'ai dans la peau, mais par exemple, Wilfried, à l'inverse, j'ai beaucoup de mal à l'interpréter. Et Solipsis, le problème que j'ai eu en fait, c'est pas qu'il y avait une animosité ou une défiance. Ouais. C'est plus que les joueurs se reposaient sur lui pour tout. D'accord. C'est-à-dire que on a une question, on appelle Solipsis. On fait ça ou ça, on va demander conseil à Solipsis. Ouais. Donc ça, je l'ai eu sur beaucoup de tables aussi. Normalement, il les a envoyés chier parce que trop c'est trop. Puis bon, faut bien qu'ils soient un peu grands et qu'ils fassent leur vie tout seuls. Ouais. Et par contre, j'ai eu une énorme méfiance vis-à-vis de Wilfried. Notamment à cause de l'épreuve du poète, parce que finalement, ce type qui est surpuissant, qui a le pouvoir de tuer juste avec quelques lignes, qui est à moitié instable et totalement incontrôlable, est-ce qu'on peut lui faire confiance ? Ouais. Présenté comme ça, la réponse, c'est clairement non. Ouais, c'est vrai, c'est juste. D'accord. Donc ça, après, c'est peut-être moi aussi qui me suis planté. C'est incroyable de voir comme les ressentis sur les personnages de sang sont différents de table en table. C'est-à-dire qu'il y a des joueurs qui sentent vachement, il y a des tables de joueurs qui sentent super proches de Wilfried, inversement, qui voient Solipsis comme une ennemie vraiment, qui leur cache des choses et tout. Il y a toujours une proximité avec le personnage de Maria Gridway, très importante chez les joueurs et qui fait que parfois Solipsis peut être Laure, j'ai l'impression que... En fait, moi, dans mes traits de base, je l'avais pris comme mentor. J'avais fait un médecin et c'était elle qui m'avait tout appris. Donc ouais, Maria Gridway. Ouais, et comment est-ce que, du coup, tu vis la campagne de Sens Mort mal. Pour le moment? D'accord. Très mal. Bon, c'est un peu le principe aussi, c'est que les joueurs en prennent plein la gueule dans Sens Mort. Surtout que c'est elle aussi l'élu à qui il est arrivé quelque chose. Oui. Donc, Ah d'accord. Bon. Une chose est sûre, c'est que moi, ça me... J'ai l'impression d'être un politicien avec toute cette langue de bois. On peut pas dire, à partir de maintenant, on spoil. Et si vous voulez pas être spoilé, vous écoutez plus, quoi. Parce que là, ça va plus, là. Non, mais bon, de toute façon, on va parler de Renaissance, surtout. Donc d'accord, ok. Qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, moi, ça me fait chier que vous ayez ressenti le mur du déterminisme des épreuves. En même temps, j'ai envie de vous demander, est-ce que vous pensez vraiment que il n'y a pas... Une chose intéressante justement qui est issue de ce déterminisme, le fait que l'histoire du coup elle va être cohérente et qu'on sait que qu'on va prendre des twists dans la gueule et des what the fuck comme dirait Adrien, selon le concept consacré. Est-ce que ça n'a pas des bons côtés aussi, Laure ? Si, forcément, ça crée de la cohérence, comme tu dis, ça fait partie, il y a plein de jeux où on joue effectivement et où on sait qu'on va être mené par là et qu'on va être obligé d'aller par là et que ça va se passer comme Est-ce que malgré tout vous prenez du plaisir en dépit de ces murs-là ? Ça énerve, mais après, c'est-à-dire qu'il y a des fois, quand on te pousse vers un chemin, ça va être non, j'ai pas envie d'y aller, c'est nul et ça sert à rien. Mais dans le sens, j'ai pas eu ce ressenti là. Ah, yes. Dans le sens, c'est juste tout va bien. Rassuré, putain. Dans le sens, c'est juste énervant parce que tu sais que tu pouvais pas faire autrement, mais en même temps, tu sais que tu pouvais pas faire autrement. Donc, ouais. Je pense que le point que je vais changer dans ma manière de maîtriser sur ça, c'est que je vais être plus explicite en amont en disant cet élément là, vous pourrez pas toucher. Vous allez le jouer pour faire du roleplay, mais voilà, ça va se passer et serrer les dents, quoi. Je trouve que à la fois le joueur et le personnage sont frustrés, mais se rendent compte que il y a un blocage, quoi. En tant que joueur, on sait que c'est un quelque chose de scénaristique. Ouais. Et en tant que le personnage, je pense que la façon dont je pense que mon personnage l'a ressenti, c'est la frustration. Mais une certaine incapacité à faire autrement, quoi. Enfin, de l'impuissance, en fait. L'impuissance, ouais. C'est, qui est vraiment l'objectif. Qui peut être aussi une source de motivation derrière, en fait, mais une certaine impuissance, quoi. Mais le personnage ressent l'impuissance et du coup, ça rentre, c'est cohérent avec l'univers, en fait. D'accord. Ouais, c'est vrai que c'est ce que je voulais aussi. Moi, ce que je voulais théoriquement, c'est qu'il y ait de l'illusionnisme. C'est-à-dire que les joueurs se sentent libres quand même, malgré tout. J'avais pas envie quand même qu'à un moment donné, les joueurs découvrent que là, c'est obligatoire. Mais bon, voilà, je crois que c'est volion. Ça, de toute façon, je pense que c'est vraiment le rôle du MJ aussi de piocher dans ce qui s'est passé à la table, le petit élément qui fait que Wilfried va faire ce qui était prévu. Ouais. Et ensuite, utiliser joueurs, les motivations des personnages, c'est ça, pour les motivations, justifier leurs actions. Le fait que Maria fasse ce qu'elle fait au début de Sens Mort, il y a toujours moyen, je pense, de trouver dans une phrase qu'a dit une fois un des joueurs un élément d'explication qui fait qu'ensuite elle a cogité. D'accord. Et elle a pris cette décision-là. Alors. Ça met aussi, c'est aussi lié à ma façon de maîtriser, mais j'apprécie de mettre les joueurs face à leurs responsabilités. D'accord. Donc c'est vrai que là, je le vois dans mon paradigme à moi qui est vous avez fait ça, vous avez dit ça, tant pis pour vous. Faites face aux conséquences. Et du coup, ils se retrouvent avec le bon vieux mur, mais ils ne l'auront peut-être pas vu. Mr. Press, ça n'affecte quand même pas ton expérience de sens, ce déterminisme, ce côté démo qu'on ne peut rien empêcher? En fait, c'est quelque chose qu'on retrouve, comme disait Adrien, sur toutes les grandes campagnes du commerce, mais toutes les grandes campagnes préécrites. Ouais. Toutes celles où il y a justement tout un univers qui est en train de se mettre en place, qui est en train de bouger. Du coup, moi, j'ai tendance à certains moments, du coup, à switcher et à me dire, bon, de toute façon, je ne peux rien faire. Je vais arrêter d'essayer de. Ouais, c'est dommage. Je vais essayer d'essayer de bouger, de faire quelque chose pour cet univers, parce que de toute façon, l'histoire est écrite à l'avance. Je vais essayer plutôt de faire des trucs à mon niveau, faire des actions qui n'auront pas de conséquences. À l'échelle de l'univers et faire des trucs, rester à ce niveau-là. Parce que de toute façon, en suivant le scénario, l'univers bougera tel qu'il doit bouger, tel que c'est prévu qu'il bouge. C'est quand même un gros défaut. Hein. Mr. Prez. Moi j'ai joué sur les grandes campagnes d'INS, de L5A, ce genre de trucs, on le retrouve beaucoup. Hein. Ouais. Là qu'on voit que Sens reste un jeu de rôle traditionnel, malgré tout. Aloïs, même si cela est justifié par une métaphysique particulière, c'est ça. Si je faisais une comparaison avec les jeux vidéo, je suis un gros joueur de jeux de rôle sur jeux vidéo et je sais qu'il y a beaucoup de discussions récemment, dans les dernières années, sur entre les jeux de rôle très linéaires et les jeux de rôle très ouverts. Tout à fait. Et l'open world et le sens, c'est les jeux dits asiatiques et les jeux dits américains. Voilà. Et typiquement, Sens, c'est un jeu très linéaire, en sens où il y a un scénario qu'il faut suivre. Ouais. Sachant que je suis très fan de jeux linéaires, pour moi, ça pose pas trop de problème de suivre un scénario et une campagne où finalement, on va découvrir des choses au fur et à mesure. Ah, ça c'est clair. Moi, mais il faut le dire aussi. C'est surtout une question de goût, je pense, derrière. Moi, c'est par exemple ma campagne préférée en jeu de rôle, c'est l'Orient Express. Il n'y a pas de campagne plus linéaire que celle-là. J'aime beaucoup celle de Chine aussi, que j'ai malheureusement pas eu le temps de terminer, donc je ne peux pas vraiment la critiquer parce qu'il faut avoir tout vu. Mais du peu que j'en ai fait, j'ai adoré. Et c'est pareil, c'est une campagne super linéaire. Donc c'est aussi ce qui me plaît. C'est possible que ce soit pour ça que ça se retrouve dans le jeu. Lore sur l'aspect linéaire de la campagne, ça. T'acceptes, tu sacrifies ta liberté pour découvrir l'histoire, ça va ou... Ouais, ça va, je le vis assez bien, comme je disais tout à l'heure. C'est bien. Non, mais... C'est bien, bon. C'est... il y a toujours il y a un petit côté frustrant, mais c'est pareil quand on a lu certains livres par exemple où il y a la fin qui se termine pas comme on aimerait parce que elle se termine mal ou on l'aurait pas fait finir pareil et c'est toujours un peu frustrant, mais en même temps ça empêche pas que la fin elle peut être très bonne et qu'on peut l'apprécier. Bah sans, c'est pareil, il y a des moments où ça va être pourquoi on a fait ça, pourquoi on pouvait pas faire autrement, et puis derrière je vais défendre un peu ma paroisse. Vous êtes encore dans Mort. À partir de la suite de l'histoire, on va dire, il y a des éléments qui vous permettent de vous libérer. Le système de jeu va évoluer. En fait, je ne sais pas si vous avez remarqué, mais alors je ne sais pas si Adrien, tu fais jouer ça, mais l'évolution du système de jeu en fonction du sens dans lequel on se trouve. Ouais, alors je le fais, mais j'avoue que dans Sens Mort, les liens, ils y sont, mais je les demande pas en fait en général. Enfin, ils interviennent rarement dans la partie. Les joueurs les ont, mais c'est vrai que j'ai du mal à les. Il faut dire que c'est un jeu qui est quasiment sans règles. Alors ça, je suis pas d'accord. Non, c'est pas sans règles, mais tu peux souvent t'en passer. Ouais, en fait, dans Sens Mort, t'en as rarement besoin des règles. Il y a des règles, mais il n'y a pas de système. Enfin, on peut se passer du système de résolution. Je maintiens la distinction entre le système de règles qui est. Comment on joue autour de la table ? L'immersion, vous la faites jouer ? Oui, l'immersion, oui. Le MJ, il y en a un. Le rôle des joueurs, il y en a un. La réplioïde, tout ça, toutes ces. Il y en a. Il y a des règles. Mais il n'y a pas. Le système de résolution est invisible. C'est-à-dire qu'il n'y a pas, à un moment donné, on arrête et on lance le dé, tu vois. Il n'y a pas de lancer de dé, mais autant dans Renaissance, les premiers scénarios de Renaissance, là, il y avait un système de règles. Il n'y a pas un système de règles aléatoire. Il y avait un système de règles. Les premiers combats que j'ai faits étaient tout à fait magnifiques. Et ils étaient basés sur un système de règles. Autant dans Sens Mort, nos personnages cessent d'avoir vraiment des caractéristiques pour plus avoir des capacités. Ouais, d'accord. Je vois ce que tu veux dire. Mais la distinction que je voulais introduire, c'est celle entre système de règles, système de résolution, si tu veux. Système de règles, c'est les règles. Comment on joue entre joueurs autour de la table. Oui, et système de résolution, c'est comment on gère les interactions physiques, fictives des personnages entre eux. Tu vois, joueur, personnage. C'est ça la distinction que je fais. Alors, il n'y a pas de système de résolution, mais il y a un système de règles dans ce sens. En fait, j'ai l'impression que dans Sens Mort, on utilise beaucoup moins le système de résolution. Exactement. Il est beaucoup plus narratif et ça change beaucoup la façon de jouer. Mr. Press le fait remarquer, c'est très vrai, c'est voulu. Hein. Quand à la fin de Sens Renaissance. Du coup, ça défend mon propos, c'est qu'au final, les liens sont utiles parce que les personnages vont pouvoir dire je suis attaché à machin, Oui. Mais ça n'intervient pas. Mais si. Alors non, mais bah si, non. Ça intervient dans le système de règles qui est que tu dois jouer ton personnage le plus fidèlement possible. Okay, donc si t'as un lien à 10, alors tu vas te sacrifier pour elle. Tu vois ce que je veux dire ? Oui, c'est vachement fait. Important. D'accord. En fait. Ouais, mais il n'y a pas forcément besoin du coup de l'écrire et de le mettre sous forme justement de quelque chose qui va se traduire dans le système de résolution. Le fait de l'écrire sur la feuille. Ouais, mon personnage, moi, tous mes personnages, quand ils sont attachés à quelque chose, ils vont agir dans ce sens-là. Bah ouais, ils ont une personnalité, les liens évoluent en fonction. Je comprends ce que tu veux dire, mais l'intérêt de l'écrire, c'est que ça oblige les joueurs à le faire. Toi, tu le fais, un joueur qui ne le ferait pas, il va devoir le faire parce que le système lui dira fais-le. Ça, d'accord, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est qu'il y aura une vraie influence des liens dans la suite de l'histoire. Oui. Et qui vont vraiment devenir techniquement n'est-ce très importants. N'est-ce pas, Mr. Prez ? L'or. Et j'avoue qu'effectivement, ton personnage évolue, les liens, tu les crées, tu vas agir en conséquence. Mais c'est vrai que moi, je vais pas toujours me poser la question de me dire tiens, mince, avec qui je suis lié, etc. Alors que le fait d'avoir tes points à répartir, tu vas vraiment te poser la question. Mmh. Ouais, voilà, c'est ça, c'est que ça implique que les relations d'un coup deviennent l'objet d'enjeux dans la narration et dans la fiction qu'on se raconte. Moi, j'ai une petite anecdote. Sur ma deuxième table, il y a un PNJ très très important qui est. Enfin, au final, c'est un PNJ qu'ils ont créé, donc un joueur en créé qui s'appelle Julien. Qui est, ça a été leur pilote de sous-marin pendant tout Sens Renaissance. Et en gros, c'était le PNJ qui venait à tous les scénars. Voilà, qui était Raconter une anecdote. Sache que le robot d'Agonis s'appelait Romaric. Voilà, juste pour raconter une anecdote. Et du coup, ce PNJ, vu dans Mort, ils ont commencé à se rendre compte, mes joueurs, que je pouvais faire mal aux gens qu'ils aiment bien et compagnie. Et du coup, une de mes joueuses, Natacha, a réfléchi, est-ce que je vais créer des points de lien ? Est-ce que je vais me lier à ce personnage à un niveau fort pour que tu n'aies pas le droit de le tuer parce que ça serait abusé que tu tues un personnage qui est aussi proche de moi. Et du coup, ça en devient très intéressant que le joueur essaye de vraiment utiliser le système de règles à fond pour défendre ses intérêts. Moi, je trouve ça très, très rigolo. C'est marrant. C'est un cas assez amusant. Donc pourquoi est-ce que je te demandais comme ça pour l'évolution, Parce qu'il me semble que c'est important aussi au niveau de la dimension du jeu après. Oui, ouais. Oui, complètement. C'est ça. Mais après, enfin pareil pour les blessures mentales que je donne dans Sens Renaissance, qui ensuite c'est eux qui se les imposent dans voilà, Sens Mort. C'est pareil, ça, c'est vachement, c'est capital. Hein. Parce qu'en fait, l'idée de Sens, c'est au fur et à mesure de libérer les joueurs. Donc c'est super important de faire évoluer le système aussi. Donc tout ça pour vous dire que la campagne est linéaire, c'est pas voulu, mais voilà. Mais par contre, la frustration ressentie par les joueurs, ça, elle n'est pas voulue. Je voulais que ce soit illusionniste, c'est-à-dire qu'on se rende compte qu'on ne peut pas trop tout changer, mais, pour moi, mais dans la frustration, ça me fait chier. Par exemple, quand Mr. Press dit « Ah ouais, non, ouais, là, vraiment, okay. Je déconnecte et... » Là, ça me fait chier. C'est pas ce que je voulais. Du coup, voilà, mais moi c'était super tendu, j'ai joué avec le feu. Je joue avec mon personnage, quoi. Du coup, moi, je joue à l'échelle de mon personnage, j'essaie de l'interpréter, que à son niveau, il se passe quelque chose, et du coup, il subit les événements de l'univers. D'accord. Enfin, il les subit. Il suit le flow, même s'il est acteur à plein de moments. Mais voilà. Mais en fait, ce qui importe, c'est quand même beaucoup à son niveau. Attention à ton micro, Mr. Prez. Bon ben, qu'est-ce qui vous a plu dans le jeu? Pourquoi développer ? Aloïs, qu'est-ce qui te plaît dans ce sens ? Pourquoi est-ce que tu joues à ce jeu ? L'univers, je pense que c'est un des points principaux. Donc, je suis très. Découvrir l'univers ? Découvrir l'univers, j'aime beaucoup les univers, donc déjà assez intéressants qui changent des univers classiques. D'accord. Et le fait de pouvoir découvrir l'univers au fur et à mesure et de savoir qu'il y a une campagne qui va permettre de découvrir plus ou moins tout l'univers jusqu'à la fin. C'est la promesse en fait. C'est le la promesse. Que tu saches le fait que je sais qu'à la fin je saurai tout et je pourrai lire les bouquins est-ce pour. Que, est-ce que tu tout sens savoir. La cohérence de l'univers au sens Oui, où... alors ça, oui, je sens. C'est une des raisons pour lesquelles j'aime beaucoup Sens, c'est qu'il y a vraiment un univers très cohérent qui a été réfléchi, qui donne l'impression d'avoir été très mûrement réfléchi et sur lequel Romaric a une érection. Très balisé. En fait, le truc, c'est Adrien. J'attends pas qu'il me jette des fleurs. Non, mais bien sûr, non, mais je sais. Oui. Mais j'attends de voir le retour pour voir ce que j'ai réussi. Donc, ce qu'il faut que je continue dans la suite. Et inversement, ce que j'ai raté pour savoir comment. Je sais qu'il y a pas mal d'univers de jeux de rôle où une campagne ne révèle pas tout sur l'univers. On ne donnera pas de nom. Ça, c'était une bonne promesse, le fait de dire voilà, c'est un début. Et on est frustré parce que on aurait bien aimé avoir des informations sur telle chose, mais c'est pas prévu dans la continuité du scénario. Donc il y a une frustration quand même. Mais elle est positive ou négative? Non, sur Sens, ça va parce qu'on a, on sait qu'au final, je sais qu'au final, je saurai tout. Voilà, alors qu'il y a d'autres campagnes sur d'autres jeux de rôle où c'est une campagne de petite découverte d'une partie. Parce qu'il y a des univers très très très grands qui sont pas forcément, qui sont très difficiles à tout découvrir. D'accord. Ouais. Okay. Et au final, je finis par lire les bouquins d'univers pour le savoir. Adrien, t'as envie de te fâcher là ? Non, en fait, c'est juste que j'ai des trucs à dire à ce sujet, mais j'ai pas envie de spoiler les deux à gauche qui jouent à une campagne. Qu'il faudra... Enfin bon, voilà. Dont je suis le MJ. Laure. J'aime beaucoup Sens parce qu'à chaque fois qu'on va y jouer, on mange très bien le soir. Non, je rigole. Volion, Volion retient. Mais ça, c'est un moyen pour garder les joueurs. On mange très bien. C'est moi qui l'ai fait. C'est génial. La meilleure raison. Ouais. Elle vient de donner la meilleure raison de jouer à Sens. Franchement, c'est hyper Wittgensteinien ce que tu viens de dire. T'es au top, Laure. Merci. Un peu plus sérieusement, j'aime beaucoup l'univers. Il est très riche, un peu trop, surtout au début quand on connaît pas tout, c'est dur de. Mais une fois qu'on accroche, je le trouve très riche, donc c'est vraiment intéressant. Et le système de jeu aussi, en fait. Le fait justement de pas lancer des dés tout le temps et d'avoir un système qui est beaucoup plus narratif et. Je trouve ça vachement sympa. Sauf les points d'immersion négatifs, c'est pas bien ça. Alors je me permets de rebondir vite fait sur ce qu'elle vient de dire, qu'elle dit que l'univers est difficile à appréhender au début. C'est une dualité qu'il y a dans certains livres. Parfois, tu rentres par la grande porte, c'est-à-dire de suite tu rentres dans un univers, tu comprends pas. Il y a plein de personnages qui font des trucs et tout. Ouais. Et parfois, tu rentres par la petite porte. Ouais. C'est assez difficile à faire parce qu'il faut montrer petit à petit. Et le problème dans un jeu de rôle, surtout dans ce sens, c'est que tu peux pas rentrer par la petite porte. Non. Donc, je pense que ce premier mur à franchir, qui est la complexité, tu pourras pas t'en départir. Dans ce sens, t'as les deux en fait. Tu rentres par la grande porte, mais 30 secondes après, t'es au pôle sud, qui est une espèce de trou sans fond. Oui, mais il y a quand même la grande porte au début. Ouais, je suis d'accord. Mr. Prez, ce qui te plaît dans le jeu ? Rien. Enfin, c'est de la merde. De quoi ? Non, moi, sens, j'ai adoré quand j'ai découvert. Alors, qu'est-ce qui t'a... Justement, ce que tu disais, Adrien, pour moi, ça fait partie plutôt des bons points. C'est-à-dire que dès le début, bah, on peut pas rentrer en effet avec en faisant une petite introduction d'un univers qui est proche d'une autre. Et du coup, on rentre, il y a besoin de quasiment rien connaître pour commencer à jouer. Là, dès le début, bah, il faut connaître l'univers dans lequel on connaît. On vit sur, tout l'univers est complètement inconnu à quelqu'un comme moi. Ouais. Il faut entièrement le décrire. Voilà, mais pour moi, ça fait partie justement de tout ce qui est immersif. D'accord. Alors, après, je trouve aussi que l'univers, pareil, est très original. Le système des points d'immersion, je suis complètement pour. Ouais, ça manque hein, quand tu fais un autre jeu de rôle après, ça manque. Hein. Ah, mais du coup, je les ai réintroduits hein, ailleurs. Hein. Je balance des points ailleurs, autre chose, mais je récupère. Non, j'en ai deux à ma droite qui s'en souviennent. Laure et Aloïs en l'occurrence. D'accord. Ok. L'univers en plus est très surprenant. On découvre tout le temps des trucs auxquels on s'attend pas. Et pour reprendre ce qu'a dit Aloïs, j'espère qu'il est cohérent. Parce que je ne suis pas allé jusqu'au bout, j'ai encore énormément de questions. Adrien, par exemple, fait partie des gens qui craignent énormément sur l'univers de sens. Et qui craignent son manque de cohérence. Ah oui, parce que nous... C'est le jour, on a en un... Quand t'es venu à Saint-Malo, il a essayé de faire un schéma, parce que je lui ai parlé en fait de toute la chronologie. Je lui ai dit, tu ne pourras pas faire un schéma de sens. Et puis, il a essayé quand même de faire... Et je sentais bien que dans la tentative... On pourrait pas effacer le tableau, j'aurais réussi. Alors, je sentais bien que dans la tentative d'Adrien, il y avait cette tentative de schématiser quelque chose, mais que moi, j'avais pas prévu pour être schématisable comme il le voulait, en fait. Donc, C'est l'approche scientifique, je pense. Ouais, je pense. Mais cette idée que la chronologie temporelle compte, moi, c'est pas comme ça que j'ai réfléchi le jeu. Mais... Il s'avère que moi, depuis qu'on commence à jouer, ou peut-être depuis seulement... depuis la mission Akina... Mister Prez. On réfléchit à beaucoup de choses sur ce jeu. On a émis beaucoup d'hypothèses. Ouais. En plus, depuis, il y a des nouveaux éléments qui sont venus enrichir tout ça. Donc du coup, on a fait énormément d'hypothèses, beaucoup de réflexions. Mmh. Et du coup, ces réflexions sont basées sur le fait que tout est cohérent. Mmh. Si jamais... s'il y a une incohérence quelque part, du coup, qui fait que... Je vais vous faire un énorme spoil. Sont par terre. Du coup, on sera. Enfin, moi, je serais très frustré. Tout est cohérent. Oui, vous ça, ne ouais. craignez pas. C'est-à-dire que j'aurais pas. C'est évident. En fait, c'est cohérent, mais c'est très compliqué sur certains points. Et on va se demander vraiment. Enfin, le fait d'essayer de le mettre par schéma et que ça soit complexe, ça vous explique un petit peu la fin, quoi. Ouais. Non, mais je m'en doute. Mais c'est-à-dire que pour l'instant, toutes les déductions qu'on a faites. Sont révélés plus ou moins exacts. Moi, je fais le pari que vous êtes capable, pour la plupart, et Aloïs, alors pas le Aloïs sur ce podcast, mais l'autre Aloïs qui intervient de temps en temps sur le podcast de la cellule, a fait des déductions de ouf à partir des jeux actuels, et il a découvert des vrais spoilers sur la suite de l'histoire, en faisant des déductions. Je vous dis ça, voilà. C'est ici, il y a malheureusement, j'ai envie de dire, Adrien est très avancé, parce que je lui ai parlé de beaucoup de choses, donc... Peut-être qu'il peut moins s'amuser à essayer de faire ces déductions-là, mais je peux vous garantir que c'est cohérent. Il y a une cohérence. Après, elle n'est pas forcément là où vous l'attendez, en fait. Et c'est ça, peut-être, l'astuce. C'est que, si par exemple, la cohérence temporelle, par exemple, que cherche Adrien, je crois qu'elle est difficile à trouver comme elle serait difficile à trouver dans Retour vers le futur. Ouais, d'accord. Vous voyez ce que je veux dire ? Mais par contre, Retour vers le futur, c'est ultra crédible. On est dedans du début jusqu'à la fin. Vous voyez ce que je veux dire ? Enfin, c'est peut-être un mauvais exemple. Non, c'est un mauvais exemple. Ouais, c'est un mauvais exemple. Mais bon. De toute façon, c'est cohérent. Au final, ce sera cohérent. Hein. Ça, c'est clair et net. Vous en faites pas. T'en fais pas, Mister Prez. Mmh. Tu seras face à Sens Cosmo, tu verras. À Sens ? Quand tu seras devant Sens Cosmo, pardon. D'accord. Tu verras, c'est... Volion, tu voulais ajouter quelque chose tout à l'heure ? Alors, ça remonte à un petit moment ce que je voulais. Je suis désolé, c'est pas grave. Mister Prez avait beaucoup de choses à dire et c'était très intéressant, donc on va pas lui jeter la pierre. Quoique. Voilà. Non, c'était par rapport à cette histoire de grandes portes et de petites portes. Ouais. Je pense pas en fait que Sens passe ni par l'une ni par l'autre. C'est. Moi, je vois comme quelque chose de plus intermédiaire. C'est-à-dire qu'il y a effectivement beaucoup de choses à assimiler au début au niveau de l'histoire de l'univers. Mais ensuite, c'est ce que tu disais, on se retrouve à Pôle Sud. Et voilà, il y a une ville, cinq personnes importantes et les bugs. Ouais. Donc finalement, il n'y a pas non plus tant de choses à assimiler que ça sur l'univers au début. C'est plus sur l'histoire de cet univers qui là effectivement est assez massive avec la guerre des immortels, etc. Donc ça oui. D'accord. Voilà. Laure. Moi, je voulais juste rajouter un petit truc par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure. J'ai dit qu'il y avait beaucoup de choses à assimiler, mais j'ai pas dit oh mon Dieu, c'est horrible, il y a trop de trucs à assimiler, c'est insupportable. Ouais. Pour moi, ça fait partie. Si on va avoir un univers très complexe, c'est normal qu'on ait beaucoup de choses à assimiler, quoi. Enfin, ça fait partie de la logique. Et ce que je disais sur les points d'immersion négatifs, c'était surtout pour embêter le MJ parce qu'il m'en colle tout le temps. J'ai tendance à dire beaucoup d'âneries pendant les parties. Mais c'est fait pour. Alors. Par rapport au point d'immersion, il y aura des changements aussi dans les bases suivantes, parce que justement, on a noté que les points d'immersion empêchaient les gens de faire des gestes d'approbation, c'est-à-dire de dire ah, oh, je trouve ça trop cool ce que tu viens de jouer comme scène. Or ça c'est mauvais en fait, c'est contre-productif dans le jeu de rôle. Alors, Adrien, enfin je sais pas comment c'est écrit exactement dans les règles, mais moi je l'empêche pas. Hein. Ouais. Un joueur qui est mort de rire parce que quelqu'un fait une tentative super stupide et super. Enfin, voilà. Tu ne sanctionnes pas d'un point d'immersion. Non, pas du tout. Ah, voilà. Non. Mais c'est bien, tu joues déjà comme ça. Mais dans la base, c'est pas ce qui est écrit. Dans la base, techniquement, tu devrais le sanctionner. Donc, du coup, je sais qu'il y a des tables sur lesquelles ça fonctionne comme ça. Et donc, pour contrer ça, j'ai dû réécrire une certaine partie du truc. Ouais, mais en tout cas, c'est très intéressant d'avoir vos avis de joueurs, notamment sur ces points, parce que c'est des points qui me font énormément stresser. La linéarité du jeu, ça, c'est un truc qui me fait beaucoup, beaucoup stresser. J'ai peur que ce soit frustrant. Quels sont vos plus beaux souvenirs dans les parties de sens? Les plus beaux passages, le plus beau moment? Allez, vous avez le droit de spoiler en plus. Mister Sauf Prez. Toi, Mister Prez. Est-ce que Mister Prez ouais. Ouais, je suis en avance par rapport aux autres. Moi, le combat contre. Enfin, les combats contre les premiers Kadria. Graveur. Graveur, celui d'avant aussi. Celui à Paul Nord qui n'a pas de nom. Paul Nord qui n'a pas de nom. Voilà, ça c'était. Voilà, toutes les grandes révélations qu'on a. Ouais. Voilà, et puis l'histoire de mon personnage aussi, que j'ai énormément apprécié. Ouais. Toi alors ? Non, il y a plein de moments qui ont été sympathiques. Il y a un passage que j'avais beaucoup aimé. Un seul. C'était quand il y en a un qui a ressuscité un mort avec un fait de cellulis. Ah, ça, t'as c'était fait ça. Marrant. Putain. Ouais, il y a Akina qui venait de se suicider et un de mes joueurs qui fait ouais, je suis presque docteur. je l'ai ressuscité. Aloïs. Moi, c'était la fin du scénar à New York. Mm. Donc, je trouvais l'atmosphère de la ville et de la... Graveur, hein, ça a marqué tout le monde, hein, vraiment, Graveur. Ouais, on dit souvent que Graveur, c'est le scénar qui commence sens, en fait. Ça commence vraiment à... Là, on voit la dimension. C'est là qu'on rentre dans la... On rentre vraiment dans les grandes destinées d'univers et on n'est plus que des petites... On n'est plus des petites entités qui faisons quelques missions, des choses comme ça. On est vraiment là, on commence à rentrer dans les secrets de l'univers et des choses comme ça. Adrien, en tant que jeu ? Je suis d'accord. T'as même chose tu, avec tout le monde. Je suis d'accord avec tout le monde. C'est les meilleurs moments, c'est tout ça. Cela. C'est ça. Ok. Bon, ben, puisque Adrien est d'accord, je pense qu'on peut conclure ce podcast. Volion, est-ce que t'as un moment en tant qu'OMJ qui t'a particulièrement plu? Bah, étant donné que je suis pas allé très loin, ça va pas faire long, mais effectivement, le combat contre Graveur, ouais. c'est un grand moment d'héroïsme, un grand moment pour les MJ, pour les joueurs aussi, je pense. Ouais. C'est ce que nous confirme Aloïs d'ailleurs. Et c'est vrai que c'est comme tu dis, c'est le moment où ça commence vraiment à rentrer dans les choses sérieuses. D'accord. Ça, ça t'a bien plu aussi, même en tant que MJ. En tant que MJ, j'ai adoré. D'accord. Je vais rajouter juste un dernier petit truc. Moi, il y a pas mal de passages où, en tant que MJ, on a des choses à lire qui sont hyper émouvantes d'un point de vue de l'histoire. Mmh. Et je sais, par exemple, le passage où on fait la description des usines à Buveur. Ouais. Enfin, c'est pour le MJ, c'est hyper éprouvant. Enfin, émotionnellement, c'est. Faut garder le sérieux, essayer d'avoir le ton qui va percuter les joueurs et en même temps toi tu te le prends aussi dans la gueule. C'est des passages qui sont bien réussis. Hein. Natacha te déteste pour ces passages là. Moi aussi. Bah écoutez, je suis content que vous me détestiez pour ce genre de raison. Franchement, j'aime être détesté. Si c'est pour ça, ça va. En tout cas, merci pour votre tour, ça me fait plaisir, ça me permet d'enrichir mon jeu et puis voilà. Puis j'espère que ça intéressera aussi les auditeurs de savoir, parce que je pense que vous êtes assez exemplaire en matière de joueur de sens, parce que vous ne me connaissez pas Et c'est très intéressant pour moi. Merci à vous. Et puis il est l'heure d'aller manger dans un bouchon. Exactement. Merci à toi. À bientôt. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir.